Pose tout et calme, quand seul ton cœur impulse le rythme. Tu essaies de paraître tel la pire des alarmes, quand le marchand de sable a rejoint sa colline. À coup de rythme insane, d'arpège assassin, tu essaies de loin ton pire cauchemar. Tu essaies bien la nuit et te chante ce refrain pénible que Cali est plus bizarre que Casbah. Plus angoissant que les crimes de la nuit, malsain comme le sourire de Freddy. Insomniac comme la pierre des chouettes, QSM t'attrape, QSM te fouette. QSM est de loin ton pire cauchemar. QSM est de loin ton pire cauchemar. Plus bizarre que Casbah. Plus que Cali. Plus bizarre que Casbah. À coup de rythme malsain, d'arpège assassin, tu essaies de loin ton pire cauchemar. Tu essaies bien la nuit et te chante ce refrain pénible que Cali est plus bizarre que Casbah. Au cœur de la nuit, quand tu cherches la lumière, quand la souris dans les combles te fait frémir. QSM surgit de diables mauvais. Toi tu pries, tu implores pour le faire déguerpir. QSM est de loin ton pire cauchemar. Tu es de